Le lendemain, un clair soleil d'hiver rendait la neige éblouissante. La diligence, attelée enfin, attendait devant la porte, tandis qu'une armée de pigeons blancs, rengorgés dans leurs plumes épaisses, avec un œil rose taché au milieu d'un point noir, se promenaient gravement entre les jambes des 6 chevaux et cherchaient leur vie dans le crottin fumant qu'ils éparpillaient. Le cocher, enveloppé dans sa peau de mouton, grillait une pipe sur le siège, et tous les voyageurs radieux faisaient rapidement empaqueter des provisions pour le reste du voyage. On n'attendait plus que Boule de Suif. Elle parut. Elle semblait un peu troublée, honteuse, et elle s'avança timidement vers ses compagnons qui tous, d'un même mouvement, se détournèrent comme s'ils ne l'avaient pas aperçue. Le comte prit avec dignité le bras de sa femme et l'éloigna de ce contact impur. La grosse fille s'arrêta, stupéfaite. Alors, ramassant tout son courage, elle aborda la femme du manufacturier d'un « Bonjour, madame », humblement murmuré. L'autre fit de la tête, seule, un petit salut impertinent qu'elle accompagna d'un regard de vertu outragée. Tout le monde semblait affairé, et l'on se tenait loin d'elle, comme si elle eût apporté une infection dans ses jupes. Puis on se précipita vers la voiture, où elle arriva seule, la dernière, et reprit en silence la place qu'elle avait occupée pendant la première partie de la route. On semblait ne pas la voir, ne pas la connaître, mais Madame Loiseau, la considérant de loin avec indignation, dit à mi-voix à son mari « Heureusement que je ne suis pas à côté d'elle. » La lourde voiture s'ébranla et le voyage recommença. On ne parla point d'abord. Boule de Suif n'osait pas lever les yeux. Elle se sentait en même temps indignée contre tous ses voisins et humiliée d'avoir cédé, souillée par les baisers de ce Prussien entre les bras duquel on l'avait hypocritement jetée. Mais la comtesse, se tournant vers Madame Carré-Lamadon, rompit bientôt ce pénible silence. « Vous connaissez, je crois, Madame d'Etrelles ?»« Oui, c'est une de mes amies. Quelle charmante femme !»« Ravissante ! Une vraie nature d'élite. Fort instruite d'ailleurs et artiste jusqu'au bout des doigts. Elle chante à ravir et dessine à la perfection. » Le manufacturier causait avec le comte, et au milieu du fracas des vitres, un mot parfois jaillissait. « Coupon, échéance prime, à terme. » Loiseau, qui avait chipé le vieux jeu de cartes de l'auberge engraissé par 5 ans de frottement sur les tables mal essuyées, attaqua une besigne avec sa femme. Les bonnes sœurs prirent à leur ceinture le long rosaire qui pendait, firent ensemble le signe de croix, et tout à coup leurs lèvres se mirent à remuer vivement, se hâtant de plus en plus, précipitant leurs vagues murmures comme pour une course d'Orémus. Et de temps en temps, elles baisaient une médaille, se signaient de nouveau, puis recommençaient leur marmottement, rapide et continu, commudées, songées, immobiles. Au bout de 3 heures de route, Loiseau ramassa ses cartes. « Il fait faim, dit-il. » Alors, sa femme atteignit un paquet ficelé, d'où elle sortit un morceau de veau froid. Elle le découpa proprement, par tranches minces et fermes, et tous les deux se mirent à manger. « Si nous en faisions autant, dit la comtesse. » On y consentit et elle déballa les provisions préparées pour les 2 ménages. C'était dans un de ces vases allongés dont le couvercle porte un lièvre en faïence, pour indiquer qu'un lièvre empâté gît au-dessous, une charcuterie succulente, d'où de blanches rivières de lard traversaient la chair brune du gibier mêlée à d'autres viandes hachées et fines. Un beau carré de gruyère, apporté dans un journal, gardait imprimé « Fait divers » sur sa pâte onctueuse. Les 2 bonnes sœurs développèrent un rond de saucisson qui sentait l'ail, et, comme Udet, plongeant ses 2 mains en même temps dans les vastes poches de son paletot-sac, tira de l'une 4 œufs durs et de l'autre le croûton d'un pain. Il détacha la coque, la jeta sous ses pieds dans la paille et se mit à mordre dans les œufs, faisant tomber dans sa vaste barbe des parcelles de jaune clair qui semblaient, là-dedans, des étoiles. Boule de Suif, dans la hâte et l'effarement de son lever, n'avait pu songer à rien, et elle regardait, exaspérée, suffoquant de rage, tous ces gens qui mangeaient placidement. Une colère tumultueuse la crispa d'abord, et elle ouvrit la bouche pour leur crier et leur fait avec un flot d'injures qui lui montait aux lèvres, mais elle ne pouvait pas parler, tant l'exaspération l'étranglait. Personne ne la regardait, ne songeait à elle. Elle se sentait noyée dans ce mépris de ces gredins honnêtes qui l'avaient sacrifiée d'abord, rejetée ensuite, comme une chose malpropre et inutile. Alors elle songea à son grand panier tout plein de bonnes choses qu'ils avaient goulûment dévorées, à ses deux poulets luisants de gelée, à ses pâtés, à ses poires, à ses quatre bouteilles de Bordeaux. Et sa fureur tombant soudain comme une corde trop tendue qui casse, elle se sentit prête à pleurer. Elle fit des efforts terribles, se raidit, avala ses sanglots comme un enfant. Mais les pleurs montaient, luisaient au bord de ses paupières. Bientôt, deux grosses larmes se détachèrent des yeux et roulèrent lentement sur ses joues. D'autres les suivirent, plus rapides, coulant comme les gouttes d'eau qui filtrent d'une roche et tombant régulièrement sur la courbe rebondie de sa poitrine. Elle restait droite, le regard fixe, la face rigide et pâle, espérant qu'on ne la verrait pas. Mais la comtesse s'en aperçut et prévint son mari d'un signe. Il haussa les épaules comme pour dire « Que voulez-vous? Ce n'est pas ma faute. » Madame Loiseau eut un rire muet de triomphe et murmura « Elle pleure sa honte. » Les deux bonnes sœurs s'étaient remises à prier, après avoir roulé dans un papier le reste de leur saucisson. Alors, Commudet, qui digérait ses œufs, étendit ses longues jambes sous la banquette d'en face, se renversa, croisa les bras, sourit comme un homme qui vient de trouver une bonne farce, et se mit à siffloter la Marseillaise. Toutes les figures se rembrumirent. Le chant populaire, assurément, ne plaisait point à ses voisins. Ils devinrent nerveux, agacés, et avaient l'air prêts à hurler comme des chiens qui entendent une orgue de barbarie. Il s'en aperçut, ne s'arrêta plus. Parfois même, il fredonnait les paroles « Amour sacré de la patrie »,« Conduit »,« Soutien »,« Nos bras vengeurs »,« Liberté »,« Liberté chérie », »,« Combat avec tes défenseurs ». On fouillait plus vite, la neige était plus dure, et jusqu'à Dieppe, pendant les longues heures mornes du voyage, à travers les chaos du chemin, par la nuit tombante, puis dans l'obscurité profonde de la voiture, il continua, avec une obstination féroce, son sifflotement vengeur et monotone, contraignant les esprits las et exaspérés à suivre le chant d'un bout à l'autre, à se rappeler chaque parole qu'il appliquait sur chaque mesure. Et Boule de Suif pleurait toujours, et parfois un sanglot qu'elle n'avait pu retenir passait entre deux couplets dans les ténèbres.